C'est quoi la sagesse? Tu sais, la Sophia, là. Tu sais, dans le fond, l'être humain, il est polarisé entre plaisir et déplaisir. Ça fait partie de, entre autres, sa biologie, son système nerveux. C'est pour ça qu'on est tous, justement, programmés de cette façon-là, puis qu'on est gouvernés de cette façon-là. Il se passe en ce moment, là, dans nos civilisations, des choses. Si c'était arrivé, là, il y a 60 ans, ça aurait été le scandale. Ça aurait été la fin du monde. Puis là, c'est de plus en plus acceptable. Pourquoi? Parce qu'on est rendu avec des valeurs infantiles, puériles. C'est plus important que d'avoir du plaisir là pendant qu'on est jeune que d'être digne quand on va être plus vieux. Mais autrefois, c'était-tu mieux, les gens qui, dans le fond, avaient du mépris pour la chair, le plaisir, puis en disant, mais si tu souffres, tu as une belle place au ciel, là, puis Jésus Je va dis pas que c'était t'attendre. mieux, David, je t'ai dit de pas polariser d'un extrême à l'autre. On est passé d'un extrême à l'autre. Il n'y a pas de juste milieu. Puis la sagesse, c'est le juste milieu. Oui. C'est ça, la sagesse. C'est la justesse, puis le discernement. Tu sais, c'est pour ça que ça donne rien de dénigrer le passé en le polarisant pour après dire que le présent est merveilleux en le polarisant aussi. C'est l'enfer. Puis c'est de plus en plus l'enfer. Puis les gens ont de moins en moins droit à la dignité. Ils ont le droit d'avoir du fun. Ils ont le droit d'être à la drogue. Ils ont le droit d'avoir plein de pilules. Ils ont le droit de fumer du pot. Ils ont le droit de fourrer le chien. Il y a même des pays en Europe du Nord, ils vont payer les putains. A le droit de jouir. Mais Chris, en bout de ligne, le monde sont malheureux pareil. Parce que c'est des vies indignes pareil. Mais c'est Ça sûr donne quoi que. d'avoir une Non, putain non. qui vient te voir une fois par mois s'il faut que tu chies toute la semaine dans ta couche? C'est dégueulasse pis c'est tout. Moi, je la pogne pas, là. C'est pas mes valeurs pis c'est pas la société que je veux. Puis ben franchement, j'aimerais bien mieux vivre dans les années 30, Gaster. J'aimerais bien mieux vivre même en 1800 quelque que maintenant. Parce que aujourd'hui, je vis à une époque que je suis en colère tout le temps, tout le temps. Je trouve ça, je veux dire, c'est tellement progressif, puis ça s'est fait tellement d'une façon insidieuse, on s'en va vers une déshumanisation totale. Bien, Puis on est en train de confondre l'humanité puis il y a l'animalité. des nuances à apporter dans le sens que moi, je vois pas. Oui, sur certains plans, on connaît une forme de déchéance, je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même des nuances à apporter dans le sens que dans les années 30, premièrement, on ne pourrait pas se parler parce qu'on utilise Ben Internet qui oui. n'était pas Ben disponible. voyons, David, on pourrait correspondre, pas de problème. Avec des lettres, Il ça y avait le serait. téléphone. C'est-à-dire que ça serait beaucoup plus limité, moins immédiat. Ben Puis. franchement, David, si on était dans les années 30, là, j'aurais fermé ma gueule parce que j'aurais jamais eu la vibration de parler. Parce que j'aurais pas eu grand-chose à chioler, peut-être. Ben, ça J'aurais été dépend. heureux en tabarnak. J'aurais été bien. Mais moi, Tu sais, personnellement, c'est dans un ça l'affaire, contexte où là. c'est les Pourquoi tu religieux qui penses que côtoient. je parle? Pourquoi tu penses que je suis sur Internet? C'est parce que je me, tu sais, je veux dire, je vais pas endurer ça sans rien dire quand même, entre autres. C'est sûr. Parce que, ben franchement, là, tu sais, pourquoi, là, que les vieux, il n'y a plus personne qui en prend soin, que c'est des fonctionnaires, puis oui, il y en avait avant des maisons de personnes âgées, il y en a tout le temps eu, mais il y avait bien plus droit à la dignité que maintenant. Puis on est là, puis plus on parle de dignité, puis moins on en a. C'est le paradoxe. Tu sais, c'est sûr que dans les années 30, on ne se serait pas parlé. J'aurais rien à dire, dans le fond.